Café, clope haleine, brosse à dents, à peine. Cheveux gras et gras, shampoing vide, et quoi? Carton, pile assiette, pied ça gratte les miettes. Après chaude aux douches, assis en tailleur, nu, j'attends mon heure. À quand une serviette? Putain de disette. Alors, euro? Serviette, putain de disette. Alors, euro?